After Job avec Francky l'après-midi. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Radio Arc-en-ciel, heureux de vous retrouver, il est bientôt 17h et ça me fait vraiment vraiment plaisir. Et on démarre cette belle après-midi, plutôt cette belle fin d'après-midi, avec du son Kizomba et Badoxa en direct à la radio. Welcome la familia. Non tenga miedo ni agarra, toque ni mi aperta, mi amasa, así no da to a gusta. Sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Sur Radio Arc-en-Ciel, je vous verrai bien au bord d'une piscine là, ouais, pourquoi pas, à siroter un petit verre sans alcool. Ça fait du bien de vous retrouver avec Badoxa et Controla, le son de la Keys sur Radio Arc-en-Ciel. After Job avec Francky l'après-midi. Heureux d'être avec vous, le numéro du standard vous le connaissez, 02 38 43 48 00. Si vous voulez faire passer un petit message, eh bien n'hésitez pas, vous me contactez en live. Salut Toff qui est connecté sur le réseau Facebook, Jean-Christophe qui est là aussi, salut, bon anniversaire. Salut Christelle, salut Marie Pinero, bonjour, bon dia comme on dit chez vous. Et puis nos invités téléphoniques aujourd'hui, ah il y a du monde. Alors on va appeler mon pote de Fun Radio qui s'appelle Greg. On l'aura au téléphone normalement dans 15 minutes, voir comment que ça se passe la Fun en ce moment. Ça va être plutôt rigolo. Et puis on aura aussi au téléphone Tiad qui sera notre invité, le chanteur orléanais qui a sorti un single pour aider les hôpitaux justement rester à la maison. Il sera notre invité vers 17h30, 17h40 au téléphone. On aura aussi Yves Baudard, ouais, La Maraude, c'est reparti pour bientôt. Eh bien, on en parlera avec lui au téléphone. Les Maraudes, Yves Baudard sera avec nous au téléphone sur le 96.2 FM. Vous pouvez nous écouter sur le site internet aussi, Radio Arc-en-Ciel. Vous tapez ça sur Google, le moteur de recherche, et pas, et ça vous ouvre directement la page de Nomar qui arrive avec du son caliente. Et puis, on aura aussi Hi Bibi, I Love You, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Et ouais, la vie est belle avec Don Omar pour bien démarrer cette matinée. On vous souhaite une très très bonne journée. Non, cette matinée, cette journée plutôt. Salut Marie, salut Estelle, connectée en direct. Sur Radio Arc-en-Ciel avec Don Omar, Soleil Dead. After Job avec Francky, l'après-midi. Ouais, c'est l'après-midi. Et puis, j'ai appelé plein de monde aujourd'hui. On aura Yves Baudard au téléphone, on aura Tiad. Et puis, on appelle Greg sur Fun Radio en direct. Voilà, c'est le numéro de c'est parti. On va voir si ça se passe bien du côté de Fun Radio. Ça sonne, c'est la valise. c'est la valise RTL, j'ai envie de dire. C'est ce que j'ai envie de dire des fois à l'antenne à 17h08 minutes. Allô. Ouais, 17h08 minutes, comment sont les animateurs de Fun Radio? Bonjour Greg. Ouais, salut Francky, comment ça va? Bah et toi, comment tu vas bien? La radio Fun se porte bien en ce moment avec le déconfinement? Ouais. Bah surtout que moi je suis en vacances, donc je me porte bien en vacances, surtout ouais. Beau et tout. Et j'ai eu la possibilité de poser des vacances à la fin du confinement, hein, j'ai eu de la chance. Alors qu'est-ce qu'il fait un animateur de chez Fun quand il est en vacances? Il travaille sur quoi? Alors écoute, c'est une bonne question. Il prend sa voiture vu qu'il fait beau et puis il roule un petit peu. D'ailleurs, je suis passé sur Orléans hier. J'aurais dû t'appeler, mais ah ouais, parce que j'étais un petit peu en speed. Mais je repasserai bientôt sur Orléans te voir et vraiment je passerai au 7. Ouais, y a pas de problème dès qu'on ouvre. À changer. Ouais, y a pas de problème mon ami. Bon, ça va. Le confinement s'est bien passé pour toi, Greg? Ouais, le confinement, oui. T'as fait quoi? T'as fait du ménage? Non, mais moi je travaillais quasiment tout le temps en fait, tu vois, ouais. Donc J'allais travailler quasiment tous les jours. Après, quand je travaillais pas, j'avais l'attestation pour aller faire du sport pendant une heure. Mmh. Je marchais pendant une heure, quoi. Mmh. Et puis, voilà, ça s'est passé comme ça. Bon, c'était bizarre, mais surtout quand le confinement s'est terminé, quand on a pu arrêter de faire l'attestation, là. Ouais. Parce que c'était chiant, ça, l'attestation. Ah, c'était sortir, chiant à remplir, hein. J'étais sur le téléphone, mais quand même, c'était une galère. Bah, après, ouais, c'est arrivé sur le téléphone. Après, c'était quand même pratique sur le téléphone. Hein. Ouais, au début, le papier. Ouais. Mais moi, j'en pouvais. Moi, j'avais pas d'imprimante. Hein. J'avais pas d'imprimante, je galérais. Hein. Ouais, quand les gens n'ont pas d'imprimante et tout. Ouais, c'était galère. C'était compliqué, quoi. Donc, ouais. Voilà. Du repos jusqu'à quand, là, Greg? Je reprends samedi, hein. Samedi, et puis après, je crois qu'il y a un petit lundi férié, et puis après, je bosse un peu, puis bon, jusqu'aux prochaines vacances, je sais pas trop comment on va faire, prendre des vacances cet été ou quoi. Ça va pas être facile, ça, hein, ouais. Je sais pas, mais en fait, pour être passé sur Orléans hier et tout, c'était vachement, animé. C'était vachement cool. Ouais, quand j'ai trouvé ça, la place du Mar 3, t'avais un petit peu de monde, mais évidemment, tout le monde respectait les distances sociales et tout, c'était vachement cool. Et après, je suis allé sur les bords de Loire, il y avait un petit peu de monde, mais pas trop. Donc c'était vraiment, en tout cas, je pense que pour la situation actuelle, Orléans est une bonne image du déconfinement. Ouais, exactement. Mais pour les gens, moi tu vois, je suis à moins de 100 km d'Orléans, donc je peux venir rapidement. Ouais, c'est pratique. Je sais pas si tu connais, mais il y a une île de loisirs là, qui est une petite plage qui donne sur la Loire apparemment là. Ouais, c'est l'île Charlemagne, non, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ouais, ça parle, les Charlemagne, hein. Ouais, j'aime bien, moi. Ouais, c'est peut-être là où, après, je sais pas, il y a peut-être beaucoup de monde ou quoi, mais c'est peut-être là où je vais aller me poser dans quelques jours. Eh ben, avec plaisir. Et tu m'appelles la prochaine fois, on ira se boire un coup au bord de la plage, là-bas, à l'île Charlemagne. Ouais, carrément. Non, surtout, faut que je passe au 7, absolument. Ouais. Ah bah oui, faut qu'on se voie, hein. Ouais, parce que depuis que je t'ai vu en une du journal là. Avec ah ouais, t'as vu la REP, ils ont fait un placard la REP, hein. Ouais, ils ont fait un placard. Hein. Ah non, mais leur photo est très belle. Ah ouais. Super photo. Ils ont bien fait de venir au set pour la pièce de danse. C'est une super photo, non mais vraiment. Ouais, c'est cool. Voilà, le mec qui s'est déplacé pour prendre la photo, il a perdu son temps. Bah, c'était une fille, hein. C'était une fille. En plus, ça était pas mal. Hein. Ouais, d'accord. Pas mal. Non, c'était une super belle photo et tout. C'est assez exceptionnel. Ça va rouvrir bientôt tout ça, quoi. Ouais, j'espère. Bon, bah, merci Greg de nous avoir consacré quelques petites minutes, là, Greg de Fun. Tu étais quand à l'antenne, là, ce week-end, sur Fun Radio? Samedi 10h, là, normalement. À quelle heure, samedi? Moi, je vais t'écouter, samedi. À 10h. Bah, samedi, voilà, 10h, on sera sur Fun avec toi, voilà. Et puis sur Arc-en-Ciel aussi, voilà, y a pas de problème. Merci Greg. Allez, salut Francis. Bonne journée à toi. Salut. Ouais, sympa le Greg, hein. Ouais, ça se passe comme ça sur Fun avec Greg. On vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi, 17h12. Avec Hi Baby, I Love You. C'est Kenza Farin et Pitbull. Habibi, I love you, I need you. Habibi, mon cœur ne bat que pour toi. Habibi, I love you, I need you. Habibi, la vie n'est rien comme des valeurs. Un samedi sourire de toi et je revis. Tu es ma terre, tu es mon pays. Tellement de temps, j'ai rêvé de ton amour dans mes nuits. Au creux de tes bras, je n'ai besoin de rien. Comme dans un rêve où je me sens bien. Tu fais de ma vie un paradis. Viens et danse avec moi. I need you, habibi. Mon cœur ne bat que pour toi. Habibi, I love you, I need you. Habibi, la vie n'est rien comme des valeurs. I play this game closely for the bread and butter. Yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat. That's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love someone, I know you feel me. When I say before they take you, they want to kill me. Even when you're gone, I'ma haunt you like a Chris Webber timeout final four. So till the sky comes crashing down, world falls apart. Till death do us part, you my heart for sure. Habibi, I love you, I need you. Habibi, mon cœur ne va que pour toi. Hi baby, I love you, on adore ça. Hi baby, I love you, mon amour, I love you. Ahmed Chakri, Ken Zafara et Pitbull sur l'arc-en-ciel. Kinvé qui a fait un bon message pour les discothèques et les clubs de la nuit. Et ça nous a fait plaisir, il est soutenu à mort. Voici son nouveau hit en exclusivité sur la radio arc-en-ciel. C'est Tahiti et c'est déjà sur l'arc-en-ciel, le nouveau Kinvé. Arc-en-ciel, le nouveau Kevin Kinvey, on adore. La météo. La météo pour demain, eh bien, bonne nouvelle. Et comme toute la semaine, il va faire beau et encore très beau demain. Encore plus chaud d'ailleurs. 12 degrés, les températures au lever du jour. Et on va dépasser quand même les 25, 26 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai du gros son qui arrive avec Marc Lavoine pour les bons, bons souvenirs pour les anciens. Pour Séverine, par exemple, pour Alexandre qui nous regarde en ce moment sur le Facebook. Salut Marie, Kéka. Je reviens d'ici 20 minutes. Ouais, ouais, jusqu'à 19h, on est là, t'inquiète pas. Voici Marc Lavoine. peut-être. Moi je ne peux pas. Me dépasse, même le silence. Arc-en-ciel avec les versions Maxi Club, l'époque en club avec Marc Lavoine. Le monde est tellement con. C'est vrai qu'en ce moment il est un peu con le monde. Hein. Jimmy Cassel qui arrive. Coucou à Estella qui est du côté d'Olivier qui nous écoute. Salut Francky dans la voiture. Ça fait du bien, hein, bon Marc Lavoine. Ouais, forcément, ça fait du bien. Le meilleur des souvenirs sur votre radio couleur. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Et ouais, on vous aime. Hein. Jusqu'à 19h, Francky est là avec Jimmy Cassel à Yaman. On dirait que c'était un été indien. Tu as surgi comme une fée. L'air enjoué, toi, ma princesse. Minga mon apita, hello. Minga mon amona, hello. Vas-y, cola, pansi. Palé, ben, mon tueso. J'ai envie de te voir réveiller. Il était stress de voir danser. Mon bébé, sois le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller. Des stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. Je suis venu sur une plage étoilée. Je t'observais danser, l'air détaché. Mes yeux brillaient sur ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller. Et des stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller. Il était stress de voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. Au petit matin, tu t'es enfui, sans faire de bruit. Un simple mot me laissant incompris. J'ai envie de te voir réveiller. Il était stress de voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. Te voir réveiller, il était stress de voir danser. Mon bébé, mes yeux, le sable doré, ton corps enlacé. On dirait que c'était un été indien. Tu as surgi comme une fée. L'air enjoué comme ma princesse. Ninga mona pita, hello. Ninga mona mona, hello. Vas-y, cola pansi. Balibé mon toiso. J'ai envie de te voir réveiller. Il était stress de voir. Plein de chaleur, plein de soleil. 17h25 minutes avec Jimmy Cassel, Kay Figo, Mackay Nelele. On adore ce tube. Ouais, c'est un récurrent celui-là. After Job avec Frankie l'après-midi. Ah ouais, jusqu'à 19h, je suis là pour vous accueillir avec le soleil. Aujourd'hui, ça fait du bien. Tiens, Emmanuel Macron qui est en train de s'exprimer en ce moment sur BFM. Temps qui est libéré pour les bagnoles. Ouais, le plan automobile. Il s'exprime, Manu. Pour réussir à former, à monter en compétences, à aller vers les nouveaux emplois ou les nouvelles qualifications qui existent dans la filière. Voilà. Bon, Manu, il se débrouille comme il veut. Ce défi ne peut être relevé que par le dialogue social. Ok. Que parce que nous serons ensemble, ne pas céder aux passions de la division, parfois de la démagogie, mais par la négociation concrète, savoir que nous avons tous et toutes un seul objectif. Un seul objectif, redresser la France. Voilà, Emmanuel Macron en direct en ce moment qui est en train de s'exprimer. On le retrouvera tout à l'heure avec les meilleurs moments. Alex Ferrari qui arrive avec Bala, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, les meilleurs sons latinos. Les meilleurs sons latinos, c'est mieux, du son comme ça, ça fait du bien aux oreilles. Oui, c'est mieux que Emmanuel. Et puis on aura Tiad dans moins de 5 minutes au téléphone. Il chante et on adore ça. Rester à la maison, c'est son hit, c'est son single pour les hôpitaux. On parlera de ça avec le téléphone dans moins de 3 minutes. Juste après, Alex Ferrari. Para para para, bere bere bere, para para para, bere bere bere bere, para para para, bere bere bere. É Alex Ferrari fazendo para bere. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Isso é Alex Ferrari. Eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Só vocês, vai. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Radio Conciel avec le meilleur des souvenirs du Brésil. Alex Ferrari, Bala Bala Bélé, Bélé, l'invité du jour, il arrive. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. C'est maintenant et on appelle Tiad, ce chanteur orléanais, ça sonne du côté d'Orléans. Du moins, j'espère qu'il est Orléans, je sais pas si c'est Orléans, Tiad. Allô, allô. Oui, allô. Oh, c'est la valise RTL, 4000 euros. Bonjour Tiad, Radio Arc-en-Ciel, comment tu vas? Bonjour Francky. Ça va mon ami? Très bien. Est-ce que t'es en pleine forme? Eh ben écoute, oui, avec ce soleil en plus, ça va. Tout va bien. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de chance. Cette semaine, il va faire beau jusqu'à dimanche quasiment. Ça, c'est la bonne nouvelle. Exactement. Tiad, on s'était vu dans les lives Facebook déjà, là, il y a 15 jours à peu près. Tout à fait. Ouais, on parle de ce single, Rester à la maison. Bon, pour l'instant, on reste plus à la maison, mais il a été fait pour qui, ce single, Rester à la maison? Alors, Rester à la maison, ça a été une idée que j'ai eue pendant le confinement parce que j'en avais un petit peu marre de tourner en rond et de servir à rien. Donc, du coup, j'ai contacté plusieurs copains artistes pour figurer sur le clip. Et puis, on a écrit avec un ami compositeur et pianiste qui s'appelle Michel Melser. On a écrit cette chanson. Moi, j'ai écrit les paroles une nuit. Je me suis réveillé à 2h du matin. J'ai écrit ces paroles de Rester à la maison. Et puis, le lendemain, je lui ai envoyé les paroles. Il a fait une musique. Ça a été très rapide. Et ensuite, j'ai demandé à tous mes copains artistes, et puis même pas que artistes, hein, y a vraiment tout le monde dans ce clip, de faire un petit message pour les soignants et de pouvoir justement faire ce single pour le reverser aux soignants. Donc c'est reversé en fait au CH de Béziers, au CHR d'Orléans et à la fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris, avec qui on s'est associé pour ce projet en fait. Voilà. Quand tu dis je me suis réveillé en pleine nuit pour écrire le single, est-ce que ça t'arrive souvent justement de te réveiller la nuit, d'avoir des idées et puis de oui, dire la couture? Je suis un octambule, donc c'est vrai que je me couche tard, ou alors des fois je me réveille en pleine nuit. Mais là, oui, c'est vrai que ça me trottinait dans la tête depuis un certain temps. Et puis je me suis dit bon, allez, on y va. Allez, vas-y, j'écris des paroles. Et puis c'est venu tout seul. Tu sais, l'inspiration, c'est comme ça. À un moment donné, tu te réveilles, tu dis tiens, allez, faut y aller. Et puis voilà. Et puis on a monté ce single qui est en téléchargement. Voilà. Légal. On peut le retrouver où en téléchargement légal, le single? Alors on peut le retrouver pour le moment sur toutes les plateformes, donc iTunes, Amazon, Spotify, Deezer, toutes ces plateformes là et je vais également le sortir en CD physique d'ici le 15 juin à peu près. Donc il y aura un CD physique qui coûtera 5 euros, et bien sûr tous les droits et les bénéfices de ce single iront aux trois entités, donc avec pour qui je reverse les fonds en fait, donc le CH de Béziers, Orléans, et puis la Fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris. Ouais, justement, les démarches ont été faites avant justement de lancer le single. Est-ce que justement avant, parce que t'as fait le single, ok, mais est-ce qu'avant tu t'es dit je vais peut-être contacter quand même les hôpitaux, voir si ils acceptent le fait de faire un single pour eux? Il y a eu déjà quelques singles qui étaient sortis, comme Calogero qui avait sorti une chanson, ou le collectif Et Demain. Et puis après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des amis qui travaillaient au CH de Béziers, et sachant que tous les ans, depuis l'année dernière, en fait, enfin depuis l'année dernière, voilà, je vais travailler moi régulièrement l'été à Marseillan, donc pas loin de Béziers, et mes potes travaillent à Béziers. Et je me suis dit tiens, ça serait l'occasion. Et puis évidemment Orléans, parce que j'habite Saint-Jean-de-Bray, donc bien évidemment Orléans. Et puis Fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris. Pourquoi? Parce que ça regroupe en même temps la totalité de la France, c'est-à-dire que ça regroupe tous les soignants. Et donc oui, j'ai pris contact avec Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris, avec l'hôpital de Béziers et le CHR d'Orléans, et les trois on a eu des échanges téléphoniques. J'ai signé bien évidemment aussi une convention avec Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris, pour une convention de mécénat, pour pouvoir reverser après tous les dons en fait qu'on aura par rapport à la vente de ce single. Vers la fin de l'année, ça se passera, on reversera tous les dons, voilà, pour les soignants. Ça, c'est une très très bonne chose. Parce que le combat il n'est pas que il n'est pas que pendant la période du Covid-19. C'est-à-dire c'est un combat qui est là depuis bien longtemps. Bien sûr, ouais. Ouais, voilà, et les soignants, on en aura toujours besoin. Donc c'est pas juste l'histoire d'une chanson du moment. C'est l'histoire de pouvoir faire perdurer la vente du single. single pour pouvoir justement avoir le plus de fonds possible et pouvoir reverser le plus possible en fait, parce que c'est l'intérêt. Voilà. C'est ça. Rester à la maison, ça c'était pour le confinement. Est-ce qu'il y aura, je sais pas, c'est une idée. Est-ce qu'après pendant qu'on est dans le déconfinement justement, sortir de la maison. Sortir de la maison. Ouais, ça peut être ça. Non, mais dans l'esprit un peu blagueur, peut-être pas. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir un single justement pour une suite de rester à la maison. Il y aura probablement un autre single caritatif quand, je ne sais pas, probablement peut-être à la fin de l'année. Mais pour l'instant, on essaie justement déjà de faire tourner ce single-là, même si le message n'est pas, puisque bon, on est dans le déconfinement, donc quelque part rester à la maison, ça ne veut plus réellement rien dire. Ouais. Mais en même temps, ça porte quand même dans la chanson, les paroles portent quand même le fait qu'on a eu ce moment de vie et on peut pas l'oublier. Ah oui, et c'est qu'à sûr. À ce moment de vie-là, la seule protection qu'on avait, c'était justement de rester chez nous, de rester confiné. Et d'ailleurs, on le voit parce que les chiffres montrent la baisse significative du Covid, de la circulation du Covid, même si bien sûr qu'il est toujours là, ça tourne toujours, la maladie, elle est pas éradiquée, loin de là, donc il faut bien sûr continuer à faire super gaffe, mais bien sûr en reprenant nos libertés, en ressortant, et puis ce manque social aussi qu'on a tous eu, c'est-à-dire que de pouvoir, l'être humain n'est pas fait pour être tout seul renfermé dans un coin, l'être humain il est fait pour côtoyer d'autres personnes, d'autres gens, c'est vrai. On a besoin de ça, c'est vital pour moi, c'est autant vital que bouffer, quoi, c'est clair. Et puis c'est vrai qu'en ce moment la vie on la voit autrement, hein, c'est plus pareil, on va dire, hein, les gestes de tous les jours qu'on avait, les habitudes on les a plus, les repères qu'on mais a non plus. Et puis on a certaines craintes, moi je sais par exemple quand je sors, on a pris l'espèce d'habitude, bon, en plus moi je suis un peu hypochondriaque, tu vois, donc quand je sors, si je garde pas mon masque, mon casque de scooter et mes lunettes pour être sûr que c'est vrai qu'il faut faire attention. Maintenant, faut pas non plus, je pense, tomber dans la psychose, dans la psychose, mais de toute façon voilà, il y a des gestes à respecter, les gestes barrières à respecter, le port du masque lorsqu'on est dans des endroits comme dans les magasins, il y a du monde, voilà, c'est je pense que si chacun fait un effort, qui pour moi n'est pas un effort un sur-effort, après bon bien sûr c'est vrai que le port du masque c'est pas agréable, hein, c'est loin de là, le fait de se passer du gel hydroalcoolique 15 fois par jour c'est pas agréable non plus, on s'en passerait ça aussi. Bouffe les mains, mais je pense que ce sont des petites choses qui vont faire que à un moment donné il faut qu'on arrive à avancer comme ça, ouais, jusqu'à la découverte d'un vaccin ou surtout la découverte d'un traitement, quoi, voilà, c'est quelque chose qui sortir de ce bazar, ou voilà, c'est ce qu'il faut faire, hein. c'est ça. C'est important de voilà que le ce qu'on appelle le civisme. Et ce qui est important aussi, c'est de jeter ses masques et ses dans les poubelles. Arrêtez d'abuser, j'en ai ras le bol. Ce phénomène qui apparaît, qui montre encore une incivilité d'une certaine partie de la population. Et c'est vrai que c'est dommage, quoi, parce que la planète, elle existe aussi. Et la planète, justement, je pense qu'à un moment donné, elle en a eu marre et elle nous a fait faire une petite pause, là. Voilà, c'est ça. Elle a dit, on va les calmer un peu, là. Hein. Non, mais c'est important. C'est vrai que ça coûte quoi de prendre son masque et de prendre un petit sac ou de le mettre dedans et puis de le jeter à la poubelle chez soi, quoi. Je sais pas. Ça me saoule, ça aussi. Là. Je vois des masques partout par terre, des gants, l'autre jour, des gants, là. Oh là là. Mon Dieu. Bon, Tiad, toi qui es du monde de la nuit, qui es du monde du showbiz, ça te manque un peu les restos, les bars, les discos aujourd'hui? J'ai pas entendu ta. Est-ce que le monde de la nuit te manque, les bars, les restaurants, le fait de sortir monde, en boîte moi, après, le... des choses comme ça? Moi, perso, ça me manque. Le monde de la nuit, j'ai commencé moi à chanter dans le monde de la nuit, dans les discothèques. J'ai beaucoup travaillé dans les bars de nuit pour faire des animations, pour faire des soirées. Et bien évidemment que là, c'est très embêtant parce qu'en ce moment, ce monde de la nuit, j'en entends peu parler et c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que le monde de la nuit, le monde du bar de nuit, le monde de la discothèque, là, ça va être catastrophique si l'État fait vraiment pas quelque chose rapidement. C'est qui est là, c'est un milieu dont les gens ont besoin. C'est ce que je disais, le monde de la nuit, c'est le milieu où on se retrouve pour se détendre d'une journée de travail, pour se et on a déjà perdu beaucoup de discothèques depuis plusieurs années. Bah, il faut dire là, une chose, c'est que je crois en 10 ou 15 ans, il y a la moitié des discothèques qui ont disparu en France déjà à la base. Donc bien sûr. Et c'est vrai que pourtant on peut demander, du moins à ma génération, la génération des quarantenaires, on peut leur demander quelles ont été vos meilleures années. C'était les années 80-90. Donc les années, et on pense à quoi quand on dit ça? On pense à nos soirées en discothèque, aux musiques de l'époque, à tout ça. Et c'est vrai que le milieu de la nuit, on en a besoin. Et même qu'on nous parle beaucoup en ce moment, parce qu'il y a une chose qui revient beaucoup, c'est l'économie. On nous parle beaucoup de l'économie, mais j'aimerais qu'on s'intéresse à ce que économiquement le milieu de la nuit rapporte aussi, parce que là c'est très intéressant. Ah oui, parce qu'il faut être honnête que la nuit rapporte aussi quand même pas mal d'argent. Mais la nuit rapporte beaucoup d'argent, et c'est, donc au-delà de même de l'économie, ça fait partie de la vie sociale. Le milieu de la nuit, c'est un milieu où on se rencontre, c'est un milieu. Alors bien évidemment que c'est très compliqué, parce qu'avec ces distanciations sociales, ce problème qu'on a justement de ça, c'est là où il va falloir qu'on trouver des solutions. Mais à un moment donné, il va falloir aussi penser à réouvrir cette discothèque, parce que sinon ça va être catastrophique. Bah, on espère. Alors, après, voilà, on voit déjà les restaurants qui réouvrent. Là, visiblement. Mais après, c'est peut-être aussi. Les spectacles qui vont réouvrir aussi. Bon, c'est. Après, c'est vrai qu'il faut être honnête. Hein, il faut y aller intelligemment aussi. On peut pas tout ouvrir comme ça du jour au lendemain. Allez, c'est bon, c'est parti, c'est la fête. C'est pas possible, parce que de faire ça, cette maladie, elle existe vraiment. Et de faire ça, on retournerait directement en confinement. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre nos précautions. Mais il faut pas oublier. Ah non, moi, tiens, je veux pas retourner en confinement. Et malheureusement, il a pas été beaucoup prononcé pendant cette période de confinement, et il serait temps quand même que notre ministre de la Culture et notre président et notre premier ministre fassent quelque chose et commencent à s'intéresser à ces discothèques qui malheureusement ne seront peut-être plus là demain si on fait rien, quoi. Ah oui, donc, bien évidemment, je soutiens le milieu de la nuit et le milieu culturel en général, hein, bars, restaurants, Les salles de spectacle, tout ça c'est pareil, il y a aussi les bowling, etc. Donc ça manque, c'est vrai, il faut être honnête. Il y a beaucoup de gens qui me disent il y a plus de bowling, il y a plus de bar. Ouais, mais bon, on peut rien faire. Il est très vaste le milieu de la nuit, et c'est un milieu de culture, c'est un milieu de c'est un milieu social aussi, où les gens se retrouvent, il va falloir effectivement trouver des solutions, parce que sinon ça va être économiquement, justement, ça va être dramatique, et on va se retrouver avec plus aucune discothèque, et ça serait dramatique. Parce que ça fait partie de la culture française, pour moi, la discothèque, quoi. Restez à la maison, on va se l'écouter si tu veux, Tiad, pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore. On peut le retrouver sur les plateformes de téléchargement légal, bien sûr, on n'est pas le pécho gratos, c'est pour les hôpitaux, ça leur fera un bon coup de main. Et puis un petit clin d'œil, tu seras à Changi samedi après-midi, en fin d'après-midi vers 17h, pour un mini concert, on va dire, 17h30 à peu près, pour quelques petites chansons pour sauver la nuit. On va faire un petit récap, on va dire années 80, et puis un peu, il y aura un peu tout style, mais bon, on va s'ambiancer sur le toit du set. Sauver la nuit, ça va s'appeler. Tiad, alors juste pour terminer, avant d'écouter le single Rester à la maison, la suite pour toi de la musique qui arrive, toi personnellement, parce que là c'était un petit clin d'œil, mais comment se passe la suite justement pour Tiad musicalement? La suite, là pour l'instant j'ai repris moi en tout cas en solo mes répétitions pour retravailler ma voix, me remettre un peu en forme, on va dire. Après je ne sais pas, cet été il est prévu j'allais chanter dans certains endroits. Bon, est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas? Pour l'instant on attend. Comme c'est pas des endroits qui sont non plus des endroits des gros festivals, il y a peut-être des chances que ça se fasse, pas. Et puis il faut que ça se fasse surtout dans des conditions de sécurité, parce que bon, vouloir faire quelque chose c'est bien, mais bon, comme je dis, il faut le faire dans des conditions de sécurité. Donc je suis en attente de ça, et puis des projets, bien sûr, des projets de single, des projets tout ça qui étaient sur le feu, qui devaient sortir là, et puis qui ont été repoussés. Mais il va y avoir un demain, il va y avoir un avenir, et puis il faut rester positif et continuer à bosser sur nos projets pour pouvoir justement être prêt au moment où on va pouvoir vraiment redémarrer, quoi. Ouais, et un bel avenir. Merci Tiad. Merci à toi Francky. On se rappelle après l'émission, puis là. On est là, nous, tu sais, on est ouvert, je suis tout seul dans les studios, mais on est ouvert quand même, reste à la maison si tu veux bien, Et je te retrouve juste derrière mon Tiad. Pas de soucis. Bisous mon Tiad. Reste à la maison. Voici Tiad. instrument d'un essai de la nature, d'un Covid un peu trop dur. Nous avons les armes qu'il faut, juste rester bien au chaud, le faire pour se protéger, le faire pour tous nous sauver. Rester à la La vie prend un autre sens quand elle nous prive de liberté. La vie vit à contresens dans ce monde si tourmenté. La nature prend le dessus sans pouvoir le contrôler. Et je veux croire à l'amour. Dans les bras, à nous embrasser, toi et moi. Ah, j'ai envie d'applaudir. Tiad, restez à la maison, vous pouvez vous le procurer sur les espaces de téléchargement légal, bien sûr. Bah oui, 17h47, restez à la maison. Non, bon, on peut sortir, on recevra d'ailleurs, mais en tout cas, Tiad qui sera en live à Changi, ça sera samedi après-midi. Voici Quando Valvala, c'est avant de tout là. Et puis 18h, on aura un militant, il se bat, c'est Yves Baudard, il sera avec nous au téléphone. Les maraudes qui vont redémarrer bientôt. Il nous parlera justement des gens qui sont à la rue comme ça, qui galèrent. Eh bien, on en parlera avec lui à 18h. Voici avant de tout là, Quando Valvalas. Belle fin d'après-midi, 17h47 sur Relais Arc-en-Ciel. On vous souhaite une très très bon début de soirée. Bah oui, olé. Had a meeting, a cartita, or a clue where she might be at. du bien, un peu de soleil à 17h50. La météo pour demain, bien des bonnes nouvelles. Ouais, il va faire beau et ça c'est très très bon pour la santé, bon pour le moral aussi. La météo. La météo pour demain, et bien du soleil, encore du soleil. Les températures au lever du jour sont plutôt pas mal, 12 degrés. Et on dépassera les 25, 26 degrés. Voilà de la bonne nouvelle. Et du soleil jusqu'à dimanche. Normalement, le ciel sera beau et ensoleillé. Et c'est vrai que ça fait du bien pour le moral en ce moment. Salut Nadine qui est là, salut Delphine. Vous êtes nombreux sur les voitures à nous écouter en ce moment sur la région d'Orléans et les alentours. Yves Baudard qui arrive avec nous au téléphone dans moins de 10 minutes. Yves Baudard qui va lutter pour aider encore les maraudes. Ils vont en reparler avec nous au téléphone dans moins de 10 minutes. Yves Baudard qui est un battant, et puis on fera un petit clin d'œil à Michel Ricou aussi qui nous a quitté malheureusement il y a quelques semaines là. Genre un petit clin d'œil aussi avec Yves à lui faire. Salut Teddy Bourgoin qui est là, ouais j'espère que tu vas bien mon Teddy, que ça va la forme. On est avec nous, prière païenne ça arrive, et c'est Céline Dion, c'est sur l'arc-en-ciel. Allez, on prie ensemble la famille. Salut les enfants, allez, un petit coup de prière, voici Céline Dion, Radio Arc-en-ciel 96.2 FM. Les mains serrées, ça c'est facile. Fermez les yeux. J'aime plutôt ça. Je n'oubliais pas impossible. Se faire un peu, pourquoi pas. Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix. Mais pas le ciel, il m'entend pas. Mais pas le ciel, pour moi. Je me réveille, je loue le jour, la vie toujours, toutes ces merveilles. Je prie les roses, je prie les bois, les vertus roses, n'importe quoi. Je prie l'hiver, quand il s'en va, l'été, les étoiles et la mer, et le soleil, ses éclats. Et je suis sincère. We'll be right back. radio, appelle le 02 38 43 48 00. Can you? Oh, les bons souvenirs funky music où on faisait la fête encore en discothèque. 1983, forcément, ça vous rappelle des bons moments festifs. Chad, gimme the funky music de moi de la funk. Et puis les Chico and the Gypsy qui arrivent avec la prise de Johnny, je te promets. Et puis on aura Yves Vaudard dans moins de 4 minutes en direct au téléphone. Salut la famille des Zinzins. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Et je vous promets plein de choses. Dans moins de 3 minutes, il arrive au téléphone avec nous. C'est Yves Baudard. Il repart dans les maraudes. On va parler de lui. Et il parle de lui, je peux vous le dire. C'est une grande gueule d'Orléans. On l'adore à la radio. Yves Baudard avec nous au téléphone. C'est dans 3 minutes 52 secondes.

Voilà. Tu vois, c'est rigolo, entre guillemets, parce que tu m'as volé le mot de la bouche. Je voulais te dire, bah, je voulais dédier cette émission à Michel Rico, que j'ai connu aussi à Camille Flammarion. Ah, bah oui. Voilà, je lui fais un petit clin d'œil, puis un big up, un gros bisou à toute sa famille, là. Voilà, s'il nous suit, vous nous écoutez, là. Voilà. Ah, Joël, sa famille, Séverine, enfin, oui. Giovanni, ils sont tous avec nous, là, dans nos cœurs. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est une grande émotion aussi, voilà. Je me sens un peu seul. En ce moment. On est seul, c'est vrai. Yves Bonnard, je voulais te faire un petit interview sur l'info justement de la maraude du Colibri qui va reprendre l'action mensuelle du jeudi. Ça repart quand, Yves? En fait, alors pour tout dire, elle a pas cessé puisque pendant le confinement, j'ai maraudé toutes les semaines. D'accord. Tu vois, j'ai augmenté la cadence. Ouais. Avec l'association les mains tendues. Mmh. Le mardi soir, parce qu'eux, ils font de la distribution, essentiellement de la distribution alimentaire, du portage, ils faisaient du portage de repas aux personnes qui étaient en grande précarité et pas prises en compte. Et c'était des repas, en fait, le mardi, qui sont confectionnés par la restauration scolaire et collective de la ville d'Ingré. Ouais. Voilà, qui confectionnait une trentaine de paniers repas. Et donc, plutôt que d'agir seul, et puis moi, je voulais pas exposer les bénévoles à mes côtés, puisque... Bah oui, il y avait le Covid. Avec le Covid, donc il fallait quand même être masqué, avoir du gel. Et donc, plutôt que de marauder seul, je me suis greffé à l'action qui est menée toutes les semaines par les amis, les copains des mains tendues. Ouais. Et puis donc, pendant les 8 semaines de confinement, et ben j'ai maraudé avec eux le mardi. Je distribuais de l'hygiène pendant qu'eux distribuaient l'alimentation. Donc, des repas préparés, mais aussi des colis alimentaires pour les personnes... les plus démunis, parce qu'il y avait quand même pas mal de besoins là sur cette période-là. Il fallait pas que les personnes à la rue soient encore à nouveau oubliées. Est-ce que ça a été plus que... Et là, je vais reprendre sur un rythme un peu plus... voilà, j'ai essayé de reprendre mon rythme d'une maraude par mois. Ouais. Et une maraude, peut-être que j'improviserai et je partirai avec une personne avec moi seulement. Voilà, sans prévenir, juste comme ça pour un peu me démarquer des institutions et pas toujours être dans une fréquence où t'es attendu, tu vois, parce qu'après, on peut provoquer aussi le... On peut provoquer le besoin et donc là, voilà, aller débusquer des personnes qui seront encore oubliées. Voilà, moi, je veux que personne passe à travers les mailles du filet et je veux toujours aller chercher les personnes les plus isolées, les plus oubliées. Justement, c'est toute ma philosophie, tu as dit, j'étais sur le terrain là pendant le Covid. Est-ce que pendant le confinement, c'était plus compliqué? Ouais, c'était compliqué parce que déjà, je crois que les personnes n'avaient pas forcément un bon niveau d'information et il y a quand même pas mal de personnes qui sont en grande précarité, qui prenaient des risques. Ouais. C'est-à-dire qu'ils venaient à plusieurs, qui respectaient pas les gestes barrières. Donc il a fallu qu'on théâtralise et qu'on explique qu'il y avait des distances à respecter. Moi j'ai fait la distribution de kits. Dedans je mettais des gels hydrauliques dans des petits contenants pour que les personnes commencent à s'approprier aussi. Et puis j'ai assez un peu de foin parce que je me suis aperçu que les toilettes municipales, il y avait pas de papier, il y avait pas de savon, il y avait pas rien. Et dire aux personnes à la rue, allez donc, vous lavez les mains, du savon c'est suffisant, mais qu'il n'y a pas de savon ni d'eau. C'est compliqué. Donc j'ai un peu foutu le bazar, la REP a mis un petit encart dans le journal, et puis le lendemain, Olivier Carré m'a appelé. Il a allait faire le nécessaire, quoi. Mais bon, voilà, c'était aussi, c'était dès le début de l'épidémie, c'était là qu'il fallait réagir pour éviter que des personnes... se mettre en danger quand même. Ouais. Voilà. Et justement, sur ces maraudes, toi, Yves, le plus important, ce que tu as besoin vraiment, c'est ces kits, justement, les kits d'hygiène. Ça, tu en manques régulièrement, ou alors le stock, il est là, ou alors il est plutôt pauvre et il en faudrait encore plus et toujours plus. D'ailleurs, je sais qu'il en faut toujours plus. Toutes les semaines, j'essayais j'ai distribué. Avec un kit, moi, ce qu'il y a dans mon kit, ça peut tenir, les personnes peuvent tenir un mois, toi. Ouais, d'accord. Dentifrice, shampoing, gel. Je mets du parfum, serviettes hygiéniques pour les dames, des crèmes de corps, voilà, c'est pas le kit, aucun kit n'est pareil, si tu veux. C'est vrai. Il n'y a pas un kit, la Croix-Rouge, ce qu'ils font, c'est très bien, mais c'est pas le kit avec un petit shampoing là-bas. Et moi, tout est différent, je mets des boucles d'oreilles pour les dames, je mets un petit bijou pour les mecs. Sympa. Je mets un peu de bijoux fantaisie, dans aucun kit, il y a toujours une petite surprise, et voilà, tous les kits sont différents. Parce que les gens, ils sont tous différents, finalement. Et donc, moi, tout je suis uniformisé. Tout le monde est différent. Donc, je pourrais faire des kits tous pareils et que tout le monde ait le même kit. Toi, là-dessus, je me démarque. Mais moi, je suis pas une institution. Donc, Puis je fais avec ce que les personnes me donnent. Ils donnent moins du bord, comme on là, dit. Là, j'ai du stock. Je fais même pas un appel à don. Déjà, il faut que j'arrive à écouler ce que j'ai en réserve et ma capacité de stockage, c'est-à-dire mon garage, il est plein, quoi. Et plein, craqué. Si tu veux, toi, c'est comme ça que ça se passe partout. Donc je remplis, je vide le garage de mes effets personnels pour le remplir au fur et à mesure des produits d'hygiène de la maraude. Ouais, donc voilà. Pour l'instant, je suis bien loti. Moi, ma philosophie, c'est de rester petit. Il y a beaucoup d'associations. T'as pas envie de grandir, t'as pas envie de faire une institution. Non, j'ai pas envie d'être gros, moi. Non, parce qu'après, quand on est gros, tu vois, tu les connais, les gros cons dans le milieu de la nuit. Ouais, je les connais un petit peu, ouais. On va pas commencer. Quand tu restes petit, il y a des grands aussi. Il y a pas que des gros, il y a des grands, des fois. Ouais, les grands. Ouais, les grands mecs. Ouais. Et tu vois, Francky, quand tu fais avec le cœur, tu fais avec toi, tu connais ton public, tu connais pratiquement toutes les personnes qui te côtoient. Et bah moi c'est pareil, moi donc ma philosophie c'est de rester petit, mais tu sais quoi, c'est compliqué de rester petit. Ouais, c'est pas facile. Il y en a plein qui voudraient me faire grossir. Ouais, donc c'est compliqué. C'est vrai. Parce que je suis approché, on veut me donner des moyens supplémentaires, et moi non, je veux rester, faire ma petite action qui me correspond. Voilà, après c'est des choix aussi. Moi je suis pas en association, c'est un choix, j'ai pas de subvention, c'est un choix. Donc je m'appuie vraiment sur les dotations et ce que les gens donnent avec le cœur, avec les citoyens. Ouais, quoi. C'est donc, ça. Voilà, bon, après, chacun fait comme il veut, mais voilà. Donc, on a dérangé avec les mains tendues, on a quand même un peu dérangé les gros. Hein, est-ce que ça dérange... Ouais, justement, tu m'as volé la question. Ouais. Est-ce que ça dérange les gros aujourd'hui? Pourquoi ça les dérange, justement, si tu aides, si mais tu fais un coup de main? Pourquoi ils ont peur qu'on vienne prendre une part du gâteau. Ah ouais. Tu vois, quand tu vis de subventions, de dotations, s'il y a une association de plus qui demande, ça fait ça un petit peu en moins pour les autres. Ouais. Bon, voilà, il y a toujours ça. On a du mal à faire notre place dans... Alors, on est accepté dans le réseau, parce que depuis, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu, et puis ça fait 8 ans que je maraude, donc, on se peut dire que je suis incontournable, hein, dans le paysage, mais bon, on prend un peu soin de moi, donc on m'allume un peu moins, mais c'est compliqué, et voilà, on nous fait quand même bien comprendre que parfois on dérange, et que, alors, s'ils veulent nous embêter, ils peuvent voir la chaîne du froid, enfin, toi, il y a plein de bien trucs. Sûr. Qu'on pourrait nous embêter en disant, vous respectez pas les normes, c'est avec les normes. C'est mourir des gens avec les normes à force au bout d'un moment. C'est ça. Voilà. J'ai retenu une phrase là sur ta publication il y a 6 heures. Là, je te suis un petit peu. Hein. J'aime le contact, la présence, l'immersion et sentir l'autre. Sa présence, c'est dans mon ADN d'homme et de professionnel, Yves Bédard. Ouais. Voilà. Bah, c'est vrai. C'est beau. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est beau. C'est beau, mais c'est loin. mais moi, ce qui me manque là en ce moment dans les maraudes, c'est justement la distanciation physique parce qu'il n'y a pas de distanciation sociale. Tu vois ce que je veux dire? La distanciation sociale, c'est la discrimination. Ouais, bien la sûr. Distanciation, là, on est dans la distanciation physique. Le pauvre, le riche, le noir, le blanc, le jaune, ils sont, même s'ils sont à 3 mètres de moi, ils ne sont pas discriminés. Il n'y a pas de distance sociale. C'était l'erreur de ce mot-là, c'est discriminant. Non, mais la distance physique me dérange parce que moi, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de sentir les gens, j'ai besoin d'être proche, j'ai besoin de, tu vois, des fois, de prendre les gens dans mes bras. Et moi, je suis... Et donc, ça bah, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Eh ben ouais, c'est compliqué. Je suis pas bien. J'ai plus l'impression d'être un. Moi, j'ai pas envie d'être un distributeur de kits. Ouais, t'es un distributeur automatique. Tu passes, tap, voilà, et il y a pas de lien social. Il y a pas. On n'arrête pas à tisser. Alors, Ah, moi, les kits, c'est un support. À partir de là, on parle des problèmes de santé des gens, de leurs problèmes de soins. Tu vois, quand tu distribues une brosse à dents ou du produit pour désinfecter la bouche pour les personnes qui n'en ont pas dedans pour le coup, bah on va parler de leur droit à la sécu, on va réactiver on va parler de leur image. Et ça manque parce que effectivement avec cette distance physique qui est nécessaire, hein, il faut la respecter, et ben je peine, je suis pas voilà, je vais pas pareil qu'avant la maraude, et puis j'y vais avec la tristesse en ce moment, donc c'est plus compliqué. Faut que je mette un coup de pied au cul pour retourner marauder, là il faut que je me batte un peu les fesses parce que je suis pas bien. Voilà. Ça va revenir, je pense. Et puis je me suis soigné. Et moi, je ne soigne pas sur le dos des gens. Toi, il y a des. On pourrait soigner, tu vois, faire du bien en allant voir les gens. Mais moi, non, je le fais. Tu t'isoles. Pour être stable, tu être bien qu'on va marauder. Bah si, tu viens régler des problèmes. Yves, tu peux prendre du bon temps avec tes poules, tes cocottes, oui. Comme tu dis. Non, mais elles sont super, bien sûr, ça m'apaise. Mais tu vois, quand tu fais des. Quand tu vas marauder, il faut être costaud. Toi, ah oui, bien oui. Et ça, je le témoigne parce que j'en ai fait une avec toi il y a un ou deux ans là. C'est vrai. Et franchement, voilà, ouais, il faut avoir les reins solides. Hein. Ouais. Faut avoir les reins solides, mais faut en même temps être bien équilibré. Tu vois, faut faire passer des messages de stabilité. Et soit si on va faire une maraude pour se faire du bien, ou pour sa bonne conscience, ou pour se soigner. Hein, Bah, on tient pas longtemps. Bah, si moi je tiens dans la durée, c'est que j'ai réglé quand même pas mal de problèmes de ma vie où je sais pourquoi j'y vais. Alors après, j'en fais qu'une maison. Il y en a qui vont me dire que j'ai un ego, machin. Mais moi, j'en ai plus rien à péter, tout ça d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je vais parler les gens, ouais, j'ai dépassé ça. Et puis là après, je veux dire. Derrière un ordinateur, tu sais, les mecs, ils sont toujours, ou les femmes, hein, on est toujours costaud à commenter derrière un écran, mais bon. Après chacun. Et c'est vrai que depuis malheureusement le départ de Michel, tu dis j'ai plus envie de m'éparpiller, justement des querelles ouais, de l'ego. Ouais, j'ai plus envie de m'éparpiller là-dedans parce que déjà moi Michel c'était à la fois mon jumet, hein, c'était mon glaive, hein, mon épée. Ouais. Et puis c'était mon bouclier, donc toi il était toujours là. Hein. Je savais que avec Dominique Leguet, c'est la seule personne avec qui je me suis jamais pris la tête. Ouais, comment te prendre la tête avec ce genre de personne. Ouais, c'est clair. Il n'y a jamais eu de, il n'y a pas de plus tordu, il n'y a pas de, et donc moi c'était mon bouclier. Je savais que si les Lascars là, les gros armoutillos, je les aime pas, je les cite, j'en ai rien à péter. Non mais je m'en fous. C'est vrai. Ces gens-là, ils ont cassé, ils ont fait de la casse sociale. Hein. Ils ont quand même créé un arrêté anti-mendicité. Quoi, faut quand même un moment dire. Et ben quand je me permettais de m'indigner, je sais que j'avais Michel qui allait venir à la rescousse, donc j'étais un peu moins vulnérable. Ouais. Là, je pense que les Lascars, ils vont pas me rater à la rentrée. Hein. Ah oui. Comment ça va tourner les élections, mais il va falloir que j'aie l'air insolide. Hein. Il va falloir que j'ai du monde pour résister parce que ouais. Ils vont vouloir me faire taire, hein, c'est sûr. Hein. Mmh. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, ça fait partie du jeu politique. On sait avec qui. C'est aussi bien d'identifier ces détracteurs, comme ça au moins c'est on clair. Sait. On va, c'est aussi bien, voilà, c'est clair, c'est sage. Hein. Donc ouais. la prochaine maraude est prévue pour quand, Yves? Là, je pense je vais l'activer dans la première semaine de juin. Ouais. Voilà, je vais partir avec, en fait, des formes. Vous savez, si tu veux, il y avait des jeunes qui sont en formation BTS Action Sociale, ouais. Qui devaient venir marauder avec moi au mois de mars, et ça n'a pas pu se faire avec le Covid. Bah, le Covid, ouais. Et puis elles ont fini leur formation et elles sont retournées chez elles, et elles avaient lancé une collecte dans leur établissement scolaire. Et comme elles peuvent pas venir marauder, c'est leur, c'est deux formateurs qui vont venir avec moi. D'accord. Ok. Donc c'est plutôt bien. C'est bien. Pour un peu faire passer mes messages, ouais, c'est plutôt bien. C'est bien pour faire. Et puis après, j'ai les jeunes sourds, l'Institut des jeunes sourds qui a lancé aussi une collecte. Donc je pense qu'à un moment donné, j'irai marauder avec une prof à l'Institut des jeunes sourds et deux jeunes sourds majeurs, puisque moi il faut qu'on soit majeur. Et puis j'ai l'institution Sorens, je peux la citer parce que. C'est une action. C'est là que j'ai commencé ma carrière d'éduc en 1983, tu vois, ça date. Hein, c'est oui, j'avais 13 ans. Et puis tous les ans, on a une petite action ensemble, et donc les enfants ont confectionné des kits d'hygiène. Je les ai rencontrés avec deux personnes qui ont vécu à la rue, qui ont pu échanger avec ces enfants, qui ont mangé avec eux un soir, ils ont invité sur l'unité. Ouais. Et leur éducateur viendra marauder avec moi. Voilà, à un moment donné dans l'année, pour remettre les titres que les enfants ont fait. Donc voilà, dans les titres, il y aura un petit dessin, puisque les enfants ont confectionné des petits dessins, des petits mots pour les personnes. Voilà, c'est bien. Et c'est pas anonyme, voilà, c'est. Il y a un lien qui se crée entre. On tisse du lien, comme gamins, tu dis. On tisse du lien. C'est ça. On a eu des difficultés, qu'on souffert, et puis des personnes qui vivent la rue. Donc voilà. Eh bien. Moi, je suis là-dedans. Je fais mes petites actions, je cours après personne. Si on me sollicite, tu vois, je dis pas non. Bien sûr. J'étudie la chose, mais je vais pas. Par exemple, je vais pas voir toutes les écoles pour intervenir dans toutes les écoles. Si on me contacte et puis qu'il y a un intérêt, j'y vais. Voilà. Donc c'est ma façon de rester petit parce que sinon je pourrais peut-être en vivre et j'ai pas envie de vivre de ce côté-là. Voilà. Je suis déjà travailleur social. Voilà. Et je voulais montrer aussi que les travailleurs sociaux, on est payé. Moi, je suis payé pour faire mon travail. Hein, au service des tutelles, hein, je suis payé pour ça, donc mais si je peux y mettre autre chose à côté, j'ai mis autre chose à côté, montrer aussi que les travailleurs sociaux, c'est comme une infirmière, si en dehors de son travail, elle allait un peu penser les plaies des gens. D'ailleurs, il y en a qui viennent avec moi à chaque fois. Hein, ouais, pour faire un coup de main, ouais. J'ai toujours une personne du soin qui vient à mes côtés. Là, j'ai été contacté par un médecin qui veut venir faire une maraude avec moi, j'ai un dentiste aussi. Donc voilà, c'est bien de faire un petit peu plus que ce qu'on fait. Voilà. C'est clair. Mais bien, merci. Je suis pas un héros, hein, je fais que mon petit truc gentiment. Je ne suis pas un héros, toi, c'est ce que disait... Mais on fait avec cœur, et donc, à un moment donné... on a cette satisfaction-là de ne pas tricher. Je ne suis pas un héros, c'est ce que disait Daniel Balavoine. Merci Yves Baudard de nous avoir consacré ces quelques minutes à l'antenne sur Radio Arc-en-Ciel. Bah, écoute, merci. Attends, j'ai même pas envie de dire merci Yves Baudard, j'ai envie de te faire plaisir. Enfin, j'espère te faire plaisir. Merci Yves Michel Baudard. C'est pas mal ça. Ah ouais, ça serait beau, hein. Yves Michel. Ah, parce que t'es un peu le Michel Ricou aussi, toi. Hein, notre Michel. Ah, il est inégalable, hein, donc il faut être modeste et humble. Hein. Il y en a pas, c'est ce que j'ai dit, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à la cheville, donc respect, franchement, Donc le flambeau, l'a porté ensemble. Maintenant, il y en a d'autres qui vont le porter. Et puis, et puis voilà, c'est comme ça. Mais bon, j'ai une grosse pensée pour lui. C'est vraiment, je suis vraiment si triste en ce moment. Donc voilà, je suis pas dans mon assiette. Ok. En tout cas, merci de nous avoir quand même consacré ces quelques minutes à l'antenne sur l'arc-en-ciel. Et puis la bise à Rodolphe, notre copain commun. Ouais, on le salue, Popo. Ouais, il soigne les voitures, lui, donc. Ouais, il s'en fout, lui. Hein? Donc on peut pas, c'est un bon mec, quoi, c'est des mecs comme ça. C'est un mec généreux, lui. Attends, lui donne, il donne sa bagnole, hein. Il prête son garage, lui. Hein. Ah ouais, lui, voilà. Il soigne les voitures, il répare aussi les voitures qu'il a. Voilà. Il légitime les voitures qu'il a bossé. C'est pas bon, ça, comme c'est bien. Ouais, c'est bon. C'est extraordinaire. Merci, Baudard. La bise. À très vite. Merci, mon ami. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes, Yves Baudard, en direct sur la Francielle avec Barry White qui arrive. My first, the last, my everything. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel.

see how you can. You put me off and I will hunt you down again. I'm not impatient when I have to be. You have given me that. De la musique, Caroline, When Your Heart is Weak. Coucou à Marie-France qui est connectée, salut Anthony aussi, salut Christelle, il y a du monde aujourd'hui, salut Marie, elle revient dans 20 minutes, elle m'a dit, j'espère que l'émission sera pas terminée, mais non, on est encore là jusqu'à 19h Marie. Allez, les bons souvenirs, l'île de la Réunion avec toute la famille DJ Assad, Willy, William, à la Ramanisium, et c'est l'y tourner, belle journée à vous, un peu de soleil, ça fait du bien sur Radio Arc-en-Ciel. poteau. Y'a un grand cerveau dans son café, n'a pas une friasse. Tout est passé, il faut trancher, mais nous, c'est cassé là, il faut danser. Hey, hey, hey. Il se l'égo devant, se l'égo derrière. Les tournées, les tournées. Il met son corps devant et son corps derrière. Les tournées, les tournées. Il met se l'égo devant, se l'égo derrière. Les tournées, les tournées. Il met son corps devant et son corps derrière. Ah, ça fait rappeler des souvenirs hein, au bord de la piscine il y a quelques années. Willy William, DJ Assad à la Ramanitium. L'été qui approche. Alors, est-ce que vous allez partir en vacances ou est-ce que vous avez prévu justement de partir, oui ou non? Eh bien, appelez-moi pour réagir avant 19h. 02 38 43 48 00. Ça me ferait plaisir de savoir. Puis les grosses nouveautés sont déjà sur Radio Arc-en-Ciel. Voici Alok avec Hear Me Tonight. Écoutez, c'est une superbe reprise. C'est déjà sur Radio Arc-en-Ciel. Lady Hermé Tonight, il s'appelle Alok, c'est une nouveauté, c'est déjà sur la conciel. Puis je viens de voir que Macron vient de parler. Suite au coronavirus, la France va débloquer plus de 8 milliards d'euros pour le secteur automobile. Voilà, c'est pour foutre les boules un peu. Du son qui arrive avec Brandy. FM, la radio qui nous aime. Eh ouais, on vous aime jusqu'à 19h. Brandy, Monica, et ça on adore. Le meilleur des souvenirs, 1996. Ce mec est à moi. The boy is mine. Brandy, Monica. Bye. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. After Job avec Francky, l'après-midi. Avec vous de l'autre côté de la radio, 18h47, minutes. Il fait bon, demain jusqu'à 26 degrés, c'est la bonne nouvelle, le soleil sera bien présent sur toute la région et ça va perdurer jusqu'à dimanche, ça c'est sûr, donc profitez de votre terrasse, mode bronzage ce soir avec Yankee, Daddy, et puis vous retrouvez-moi le lundi, 16h30, 18h30, et puis du son Caliente qui arrive avec le Portugal. After Job avec Francky, l'après-midi. Le lundi, 16h30, 18h30, et puis le mardi, 17h, 19h, sur votre radio préférée. Elle rayonne d'où le sol à 18h48 minutes. Quero queimar, ninguém nos segura, que a noite...

Super bon prise pour Baptiste du côté d'Olivier. Claude Caprio qui reprend Renaud, Morgane. Oui, je suis Morgane debout tous les jours, Francky. Et ouais, on est là jusqu'à 19h, la famille. After Job avec Francky l'après-midi. Et ouais, Francky l'après-midi, donc le lundi, je vous rappelle, hein, 16h30, 18h30. Et le mardi, 17h, 19h avec plein d'invités. Au téléphone, bien sûr, pour l'instant, pas de studio pour les invités, mais ça verra plus tard. En tout cas, si vous voulez faire partie de mon émission le lundi ou le mardi, ben, n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook, vous tapez Franck Lemaire. Et puis vous m'envoyez un petit message et vous me dites, voilà, j'ai envie de parler dans ton émission de ça, de ci, etc. Voilà, on peut parler de tout ce que vous voulez. Libre Antenne, le lundi et mardi. Aujourd'hui, on a reçu Yves Bodard, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Et puis, Tillade, le chanteur dans les studios de la radio d'Espace. Si ça arrive, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Très bonne fin d'après-midi, bon début de soirée, la famille. After Job avec Francky l'après-midi. Et ouais, c'est l'après-midi. Et du soleil del Rio, ça. Hop. Lundi prochain, 16h30. Et puis la Christophe qui arrive avec Electric Shock dans une demi-heure. Juste avant, c'est RDP International. Passez une très bonne soirée à tous. Et rendez-vous lundi, 16h30, RDP International. Ciao la famille des Anzins, c'est le Flash Info. RDP, c'est à vous.